J'vis dans un rêve, t'es dans les étoiles, pieds sur Saturne, ou la coupe sur un autre Saturne. Personne n'effacera mes rêves, j'profite plaisir charnel, amoureux belle demoiselle. Y'a que pour elle que je resterai fidèle. Tant que papa et maman sont là, je niquerai tout. Pourquoi du jour au lendemain, frérot, tu n'es plus le même? Quand je te regarde, frérot, je vois bien que tu n'es plus le même. Alors comme ça, on dit que tu m'as oublié. Quand je te regarde, mon iso, non, je t'ai pas oublié. Quand tu m'as trahi, tu sais que t'étais pas obligé. Souvent on se regarde mais ce n'est plus pareil. Je ne veux pas être dans l'album, ne sors pas l'appareil. C'est dommage de voir un frérot qui ne s'occupe pas d'un frérot. Tu fais des tours dans le ghetto mais tu ne viens plus toquer. Quand je serai dans la boîte, tu ne feras que de toquer. Tu es devenu prostitué sur le bord de route, on t'a vu tapiner. Ta femme c'est comme la flamme olympique, championne de relais, tout le monde se la passe. Je traîne plus dehors, je ne vois que le danger. Je n'ai plus le temps de manger, je suis dans ma pensée, je revois le passé. Quand je revois le passé, j'ai effacé des erreurs, des trucs d'horreur. Comme l'argent ne fait pas le bonheur, que l'humain ne fait pas d'honneur. Alors poteau, la nuit tu comptes les étoiles, mais tu devrais compter tes ennemis. Et dis pas que dans la vie t'as jamais eu d'ennemis. Ou c'est juste que t'es un gros suceur quand t'es triste et mou comme du beurre. Quand t'es en dépression tu perds les pédales comme une automatique. Pourquoi du jour au lendemain, frérot, tu n'es plus le même? Quand je te regarde, frérot, je vois bien que tu n'es plus le même. Regret, violence, mène à la déviance. Remords, malchance, mène à la démence. Je tease avec ma petite copine, chill avec ma petite copine. Je me suis fait quitter pour un riche, c'est pour ça que je charbonne autant. J'ai promis d'être le mieux sur les affiches et de faire péter le compte en banque. Tellement je nique ta mère, j'ai plus de frein. Je fais tout sur un coup de tête comme Jason Statham. Tout comme Paul Walker, tu finiras dans un platane. Les femmes c'est comme les musiques, j'ai souvent envie de changer. Mon iso, je suis là pour te faire oublier. Comme quand ta femme a voulu t'oublier. Pas venu là pour niquer ta soirée, mais tu nous as cherché, tu nous as trouvé. Charbonnage à temps plein, ouais, à temps plein. Charbonnage à temps plein, ouais, à temps plein. Moula moula comme Pablo, pour qu'on finisse en haut, ouais. Sanctum, c'est Carly. Inizio degli inizi.